Radio Campus Lille, il est midi. Bon anniversaire Radio Campus, ici c'est Jeff Kino. Longue vie Radio Campus, on se donne rendez-vous dans 50 ans. À bientôt, ciao. Votre attention s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Radio Campus et vous faites bien, puisque c'est l'heure d'Angle d'attaque, l'émission proposée par les trois attaques, de la métropole lilloise. Attaque, A2TAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Alors, nous ne sommes que deux aujourd'hui. Florent, indispensable à la technique et maître du chrono, qui proposera la pause musicale et le calendrier militant, tout en participant à l'interview, et moi-même, René, également présent pour l'interview, et qui vous présentera les activités d'attaque dans la deuxième partie de l'émission. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler des low-tech. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est peut-être la question que vous vous posez. Eh bien, ce sont les basses technologies, simples, robustes, durables et économes, et qui sont certainement le moyen d'éviter l'épuisement des ressources et peut-être l'effondrement qui nous menace. Pour parler de ce sujet, Jean-Jacques Valette a accepté de participer à notre émission. Bonjour Jean-Jacques et merci. Bonjour René, bonjour Florent. Oui. Bonjour. Oui, donc, oui. Après un passage dans l'humanitaire, vous vous êtes orienté vers le journalisme, je crois. Oui, tout à fait. En fait, je suis journaliste spécialisé dans tout ce qui est low-tech, entre autres, tech for good et innovation. Enfin, j'étais rédacteur adjoint pour Oui Demain. Et globalement, ça fait une dizaine d'années que je m'intéresse aux thématiques de tout ce qui est de la décroissance ou des mouvements qui, peut-être le survivalisme, l'absologie, tout ça. Oui. Mon centre d'intérêt, ça, d'expertise. Oui, oui. En fait, vous êtes aussi, je crois, chroniqueur chez Macri, dans le cadre du réseau Feral Labs, qui est soutenu par le programme Europe Créative. C'est ça? Tout à fait, oui. En ce moment, je collabore avec Macri. J'ai notamment eu, je reviens d'un voyage en Asie, à bord du navire Nomade des Mers. Et donc là, je suis en train d'écrire une série de reportages donc pour Makery, pour l'aspect vraiment Maker. Et il y aura également un reportage plus dans le temps long pour Oui Demain, dans les prochains mois. Oui. Et en quelques mots, vous pouvez nous parler de votre reportage sur Nomade des Mers? Bien sûr. Alors du coup, l'association, donc le Pet Lab, un voilier de 12 mètres de long, à peu près, qui fait le tour du monde depuis déjà 3 ans, et qui va dans les pays du Sud pour découvrir des innovations locales, renouvelables, bref, low-tech. Et ces innovations sont ensuite documentées et reproduites par des ingénieurs, et les plans sont publiés ensuite en open source, et sur Internet, et en accès libre. Et donc du coup, moi je suis allé sur le voilier, alors qu'il faisait escale aux Philippines, puis à Taïwan. Et aux Philippines, j'ai été rencontrer une association qui fabrique des lampes solaires, très très faciles à réparer et entretenir. Et à Taïwan, de découvrir justement des makers qui utilisent de l'électronique abordable et facile et appropriable. Pour du coup, on a notamment fabriqué un ordinateur en bois. Voilà. Ah oui, d'accord. Eh bien, je crois que nous allons passer aux questions. Alors, voici la première. Donc, on s'était un peu référé à Philippe Biwix, peut-être que vous connaissez certainement, je pense. Ah oui, oui. Voilà, donc les hautes technologies qu'on nous annonce ne pourront pas résoudre, enfin selon lui bien sûr, ne pourront pas résoudre nos problèmes actuels. Elles pourraient même les aggraver. Alors, vous, qu'en pensez-vous? Et pour quelles raisons ces technologies ne sont peut-être pas la solution, à cause de l'épuisement des ressources, de la croyance exagérée aux possibilités techniques Alors c'est une question assez complexe en vrai. Le modèle qui nous est vendu, disons, de la croissance verte, en gros, consiste à utiliser de la technologie pour gagner en efficience. Un exemple clair, ça va être un lave-linge. On va rajouter au lave-linge de mamie, on va lui mettre un petit contrôleur électronique qui va vérifier la température de l'eau et nous permettre d'avoir des économies de 20-30% peut-être d'énergie. Et en fait, le problème, c'est que cette surcouche technologique, déjà, elle nous fait faire des gains d'efficience, donc c'est très bien. Le problème, c'est qu'on a une économie mondiale qui est en croissance. Et jusqu'ici, tous ces gains d'efficience sont annulés. Donc en clair, ça veut dire ma machine à laver consomme moins, donc j'utilise plus. Et en plus, on a rajouté d'énergie grise, c'est parce qu'on a dû produire des composants électroniques qui vont peut-être durer que 5 ou 10 ans et qu'on demandait beaucoup de ressources pour les faire. Donc en fait, l'idée qu'on a, c'est que le système mondial actuel, enfin technologiquement, on complexifie des objets, c'est pas toujours le cas, mais maintenant de plus en plus pour les rendre plus efficients écologiquement. Et en les complexifiant, en fait, on fait baisser leur durée de vie, on augmente l'impact de leur production, et même à l'usage, on se rend compte que la consommation a également explosé. Donc en fait, la voie du high-tech dans tout ce qui est équipement, machines, etc., pour l'instant, ça a fait une impasse, parce que, on a ce qu'on appelle l'effet rebond. L'effet rebond. Voilà. Par exemple, justement, puisqu'on en parlait, l'exemple de l'informatique qu'on nous présente toujours comme économie virtuelle dématérialisée, alors qu'elle consomme déjà 10% de l'électricité mondiale. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Je vous coupe un petit peu parce qu'on vous entend pas bien. Si vous pouvez essayer de parler peut-être plus près, je sais pas. Merci. Alors dans leur série de Social Terre sur les low-tech, là, qui est en kiosque actuellement, j'ai écrit notamment un article sur le numérique. Donc le numérique, on nous l'a vendu également comme un secteur qui serait dématérialisé, qui permettrait des économies de papier, etc. etc. La réalité, c'est que le numérique, en fait, a une influence très réelle. Hein, donc comme vous l'avez dit, donc c'est maintenant 10% de la consommation électrique mondiale, mais ça augmente aussi à raison de 5 à 7% par an. Et il y a des usages comme le streaming qui, genre Netflix, c'est 30% de la bande passante d'Internet. Enfin, ça occupe déjà 30% des capacités mondiales. Et donc on a des choses comme ça, comme le streaming, qui sont en train de faire exploser la consommation et donc, in fine, la production de gaz à effet de serre. Et en termes de gaz à effet de serre, d'ici 2 ans, le secteur informatique polluera autant que l'Inde. Donc voilà, on en est là. Et ça continuera à croître, pas de bruit. Donc on va vraiment... il vient de dépasser le secteur aérien cette année en termes d'émissions également. Ah oui. Et il y a aussi tout ce qui est problème de ressources pour fabriquer tous ces objets de haute technologie. Oui, alors au niveau des ressources minières, donc c'est des calculs qui sont compliqués parce que les gens confondent parfois les stocks, les flux, etc. Donc ça dépend du nombre de mines, mais il faut aussi un temps pour mettre des mines en exploitation, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a une quantité limitée de métaux sur Terre, et notamment l'électronique a besoin de ce qu'on appelle des terres rares et des métaux rares, et ça c'est des éléments du tableau périodique qu'on trouve à très petite concentration dans l'écorce terrestre. Donc ça veut dire par exemple déplacer plusieurs tonnes de terre pour la purifier en extraire quelques grammes d'un produit comme le molybdène, le germanium ou le tantal. Et le problème, c'est que ces métaux ou terres rares sont très... donc ça coûte énormément d'énergie de les exploiter, c'est extrêmement polluant, parce qu'il faut toutes sortes de solvants et de procédés industriels pour les extraire. Actuellement, la Chine, en fait, a récupéré l'essentiel du marché mondial des terres rares parce qu'ils ont une politique industrielle volontariste. En France, on a également des gisements de terres rares et on a une usine à l'usine Rhône-Poulenc, en fait, qui... des seules usines au monde en dehors de la Chine à pouvoir produire certaines terres rares. Mais globalement, on a une dépendance stratégique de la Chine pour tous les domaines de pointe, électronique, armement, etc. Il faudrait aussi, dans les grands producteurs mondiaux, il y a aussi la République démocratique du Congo, où on produit du cobalt qui est indispensable, relativement indispensable pour les batteries, et donc la consommation mondiale est en train d'exploser. Et donc ce cobalt est issu d'une zone de guerre avec essentiellement beaucoup de minage illégal et même de l'esclavage des enfants. Donc voilà, au niveau ressources, on est en train de on est dépendant des flux mondiaux, on délocalise la pollution ailleurs, voire l'exploitation humaine, et en plus, in fine, tous ces composants sont gâchés parce qu'on n'a pas vraiment de filière d'encyclage. Oui, c'est ce que soulignait aussi Philippe Biwick, c'est qu'on nous parle beaucoup du recyclage, mais en fait, il est peut-être satisfaisant pour le faire l'aluminium, mais pour tous les métaux rares, terres rares qu'on inclut dans les systèmes informatiques, la récupération n'atteint que 1%. Ah oui, oui. Le chiffre que j'avais vu, c'est que en gros, je crois que c'est 80% des déchets électroniques et électriques mondiaux sont même pas retraités, sont retraités dans une filière, et le restant, c'est moins satisfaisant en fait. Je crois que les cartes électroniques de mémoire, c'est entre 8 et 10% du volume, et elles sont au mieux broyées. Mais donc en fait, c'est un peu comme des paillettes, quoi. C'est un peu comme si vous prenez du. Enfin, toutes ces terres rares sont généralement perdues, enfin, sont pas recyclées, sauf si on changeait vraiment les processus. Et par exemple, dans leur fait social terre, j'évoquais, il y a une solution intéressante, c'est des cartes pour les composants électroniques qui sont solubles. Et en fait, ça s'appelle Soluboard, et c'est anglais. Et donc, c'est une sorte de. Au lieu d'avoir une résine, on fait du lin, je crois. Et on le met dans l'eau et on peut juste récupérer comme ça même les pistes de cuivre sur le circuit imprimé et tous les composants. D'accord. Oui. Et par exemple, je prends un exemple, on nous vend beaucoup l'éclairage à LED, hein, parce que ça consomme peu d'énergie, c'est vendu comme étant beaucoup plus durable dans le temps. Mais est-ce qu'on sait les recycler, ces ampoules à LED? Non, alors les LED, c'est un très bon exemple justement de, si on parle de low-tech et d'high-tech. Donc pour faire des LED, l'avantage des LED, c'est quand même la consommation qui est très basse et la durée de vie également incroyable par rapport à une ampoule. Le problème, donc, c'est qu'il y a des terres rares dans des LED. C'est un procédé très complexe et globalement, donc non, elles ne sont pas recyclées. En fait, du coup, j'ai évoqué tout à l'heure l'effet rebond, mais parce que c'est beaucoup moins cher d'éclairer, on en met absolument partout. Donc ça a une influence sur notre propre vie parce qu'on est de plus en plus soumis à la lumière bleue des LED qui perturbe notre rythme circadien, c'est-à-dire notre façon de récupérer après une journée et en dormant. Et ça perturbe également beaucoup la faune. J'ai plus les chiffres en tête exacts, mais on a eu une augmentation genre de moitié de la pollution lumineuse extérieure en France ces dernières années. Donc tout ce qui est insectes, chauves-souris, etc. En souffre. Parce que les municipalités, tout d'un coup, peuvent se dire « je peux mettre de l'éclairage urbain partout, c'est pas cher ». Oui, c'est ça, l'effet rebond, c'est qu'on rend plus abordable une technique, là, s'éclairer parce que ça consomme moins d'énergie, donc c'est moins cher, mais dans ce cas-là, on dit on fait moins attention, on peut du coup la laisser allumer plus longtemps et donc consommer peut-être autant d'énergie qu'avant parce qu'on en consomme plus longtemps et on en met beaucoup plus, quoi. Il y aurait une approche vraiment low-tech, il y avait un documentaire sur l'obsolescence programmée qu'avait fait Arte, où il montrait une ampoule dans une caserne de pompiers aux États-Unis qui était restée allumée depuis 100 ans. Et donc elle était pas très vivace, mais elle éclairait encore. Et en fait, on a la technologie pour faire des ampoules qui durent très très longtemps. C'est juste que les fabricants d'ampoules ont eu à une époque, se sont rendus compte de leur intérêt de faire des ampoules qui duraient moins. Et ainsi, ils pouvaient en vendre plus. Oui, c'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Tout à fait. On voit déjà que toutes ces consommations accrues donc de métaux vont entraîner une consommation accrue d'énergie, qui d'ailleurs devient rare aussi, ou plus difficile à exploiter, avec pour conséquence une augmentation des gaz à effet de serre. Alors on nous parle beaucoup de croissance verte, de décarbonation de l'économie. Alors que pensez-vous de tous ces projets concernant la bioéconomie, c'est-à-dire le recours à des substances végétales souvent pour faire du carburant, etc., et de la géo-ingénierie pour tenter de limiter le réchauffement climatique. Ah oui, deux grands débats. Alors, agrocarburant. Alors, il y a des recherches intéressantes. On parle maintenant d'agrocarburants de troisième génération, des choses comme ça, où on pourrait en théorie recycler directement de la cellulose pour faire du carburant. Donc, ça pourrait être toutes sortes de déchets verts. Mais je pense que tout n'est pas acheté dans les agrocarburants, mais pour l'instant, parce qu'ils sont faits, c'est avec des ressources alimentaires. Donc, oui. Par exemple, du maïs ou du colza, de la canne à sucre. Voilà. Du colza et donc en termes de volume, si on devait produire l'équivalent de notre production pétrolière avec des agrocarburants, le résultat serait pire parce que ce serait je crois que pour l'Angleterre en termes il faut 3 ou 4 fois la superficie d'Angleterre en champs pour la s'il fallait faire des biofuels pour son parc de voitures. Donc ça donne une idée de la compétition que ça ferait sur les terres agricoles mondiales. Et il y a déjà eu des précédents, il y a eu c'est la crise de la tortilla, je crois, dans les années 2000 au Mexique, où une loi américaine sur les biocarburants a fait flamber le prix du maïs alimentaire au Mexique voisin. Et donc globalement, j'expliquais grosso modo tout ce qui est faire tourner sa voiture à l'huile de friture, tout ça, c'est très sympa, mais ce sera jamais à l'échelle. Oui. Ça peut être des solutions locales, si on produit localement tel carburant, pour tel usage, à partir de ressources locales, dans une optique où il y aura peut-être une voiture par village, voilà. Mais donc pour moi, c'est un peu une impasse, c'est une très grosse impasse, on n'a pas vraiment d'alternative au pétrole, et pourtant, il va falloir s'en passer. C'est là qu'on va reparler peut-être de mégawatts et de baisse de notre consommation. Et quant à la géo-ingénierie, personnellement, je pense qu'on a besoin de faire des recherches là-dedans, mais c'est la solution qu'on devra au maximum éviter de non utiliser parce que ça risque de devenir comme une drogue ou un pansement sur le... c'est souvent mieux penser le changement que changer le pansement. Donc la géo-ingénierie, ça implique par exemple si on mettait des paillettes métalliques dans l'atmosphère, oui. On pourrait en théorie renvoyer les rayonnements solaires et baisser la température. Sauf que ça implique donc énormément d'avions, énormément de ressources finies qu'on va gâcher. En plus, oui, comme le projet un peu fou de répandre des billes de plastique sur les océans pour limiter l'évaporation est assez farfelu d'ailleurs. Donc globalement, il y a un fort risque que certains pays le fassent seul et ça mène à des crises diplomatiques mondiales. Parce que il faudra être vigilant. Et le problème de toutes ces solutions, c'est que généralement, elles risquent d'avoir un impact imprévu et certaines, si on les arrête, on se prend un seuil qui remonte brutalement. Donc on se prend plusieurs degrés tout d'un coup. C'est généralement des mauvaises solutions. Le seul point qui est vraiment intéressant, c'est la capture de carbone. Si on pouvait capturer ces questions de carbone qu'on a émis dans l'atmosphère, ce serait quelque chose d'assez passif, c'est vraiment actif, on changerait tout comme dans Highlander. Donc la capture séquestration, je pense qu'il y a vraiment... c'est un sujet incroyable, mais c'est inclus dans les calculs du GIEC. C'est-à-dire que le GIEC, quand il nous dit on va peut-être frôler les 2 degrés, tout ça, dans leurs modèles mathématiques, ils ont inclus qu'on a déjà inventé la capture carbone et déployé à l'échelle. Et donc c'est pas le cas. C'est pas du tout le cas, il y a 2-3 usines pilotes dans le monde, mais en vrai, les calculs que nous dit le GIEC, on peut s'inquiéter encore plus parce qu'en fait la réalité est pire. On n'a pas du tout cette capacité, même si on plantait plein d'arbres, ça suffirait pas pour décarboner ce qu'on a eu. Toutes ces technologies qu'on nous vend comme une solution pour l'avenir, pour sauver le monde en quelque sorte, est-ce que c'est pas un moyen de nous rassurer pour pouvoir conserver notre niveau de vie? Parce qu'au final, il va falloir bien à un moment donné revoir notre façon de vivre, surtout dans nos pays développés occidentaux. Donc on sait que le sait que la production, enfin, que nos ressources pétrolières sont limitées. Donc, il y a eu un grand coup de, enfin, il y a eu un documentaire pas très longtemps là-dessus sur les dirigeants du monde dans les années 80 ont été vraiment conscients de ça. Et, il y a des notes internes de Shell et Exxon qui montrent qu'ils savaient également. Oui, donc en somme, il y a eu un recul. Oui. Et maintenant, en fait, ça commence à revenir et on se rend compte que le Club de Rome donc avait commandé au MIT dans les 70 le fameux rapport Les limites de la croissance. Et ça va presque être enseigné dans les écoles, c'est que ce modèle a prévu que... donc c'est un modèle mathématique, en fait, ils ont essayé de mettre la Terre en équation, ils ont dit, donc ça c'est la production industrielle mondiale, ça c'est la population humaine, ça c'est la production agricole, et donc c'est que des courbes qui sont toutes en train de monter, et le modèle mathématique, en fait, a prévu qu'autour de 2030, toutes ces courbes, elles fléchissent et elles se mettent à descendre. Et c'est-à-dire qu'en fait, on aura tellement pollué qu'on va nuire à notre production alimentaire mondiale, et on n'aura plus aussi beaucoup d'énergie pour produire tous ces aliments. Et donc, du coup, l'humanité va commencer à baisser en nombre de personnes. Et donc, ça, c'est très, très, très, très inquiétant. Donc, tout ça, ça a été validé. Les chiffres ont été validés trois fois depuis les années 70 avec des données. Le modèle a été affiné. Il y a des modèles concurrents. Et ils arrivent tous à la même conclusion. Mmh. Donc, quelque part, autour des années 2030, peut-être 2050 au plus lointain, on va voir, on en reparlera, mais donc c'est la fameuse thématique de l'effondrement. Voilà. Actuellement, on peut gagner un milliard d'humains tous les 10 ans, ou enfin, ce genre d'échelle. Ce que prédisent les scientifiques, c'est que d'ici quelques années, ça va être la tendance inverse. C'est ça qui est très, très inquiétant. Oui. Et bon, donc maintenant, le low-tech en lui-même, comment le définir? Donc les caractéristiques, c'est une utilité réelle, la durabilité, l'accessibilité au plus grand nombre, des objets facilement réparables avec des mécanismes compréhensibles, etc. Si vous pouvez nous en dire plus. Oui, tout à fait. Alors... Beautiful. Donc lui, il parlait de appropriate technologies, donc des technologies appropriées. Je trouve que c'est un mot assez sympa pour dire de quoi on parle. Donc ça vient d'une réflexion de se dire en fait où va la technique et de quelle technique on a besoin, quoi. Genre est-ce qu'on a besoin, quand vous prenez un abribus, est-ce qu'une feuille de papier qui est horaire ne fait pas aussi bien le travail qu'un écran LCD avec capteur en direct si on pense sur une échelle soutenable? C'est bien évidemment préférable de mettre juste une petite feuille de papier avec les horaires des bus plutôt que mettre tout un système intégré et connecté d'affichage en direct de l'arrivée du bus, quoi. Et consommateur d'énergie, quand même, comme on l'a vu. Oui, voilà. C'est sortir un peu de... Enfin, disons que c'est un peu à la mode de faire du high-tech et d'en mettre partout où on veut. En ce moment, on veut équiper toutes les salles de classe d'ordinateurs, enfin, que chaque élève ait une tablette, ce genre de choses. Alors qu'il n'y a pas forcément de données d'ailleurs qui prouvent que c'est mieux, mais en ce moment on a une foi assez irrationnelle en la technologie. On se dit c'est génial, on va en mettre partout, alors qu'il n'y a pas forcément de raison. Et on peut se permettre parce que c'est pas cher pour l'instant, mais parce que justement on a un accès. On paye pas la pollution, l'extraction de ces matières, l'énergie. Les énergies fossiles, elles sont plus ou moins gratuites, parce qu'elles sont juste là. Et donc, pour l'instant, on est dans une sorte d'ébauche d'énergie et on gaspille, en fait, ce qui, les ressources qui serviront aux générations futures. C'est se poser la question à chaque fois que qu'une technique doit répondre à des besoins essentiels pour vivre au lieu de répondre à des faux besoins qu'on essaye de nous convaincre que c'est nécessaire, en fait. Oui, dans un but essentiellement commercial, etc. Oui. Tout à fait. Bah, par exemple, je suis en train d'y penser. Ce matin, j'étais allé acheter des panneaux solaires pour je vais participer à un festival où tout le monde doit être autosuffisant. Donc, notre petit campement va être autosuffisant en eau, en électricité, et ça s'appelle le Nowhere, c'est un peu comme le Burning Man en Europe. Et ça pour dire que c'est assez très intéressant. Là, on a, pour 40 personnes, je vais réfléchir à quelle consommation d'eau, quelle consommation d'électricité. Et ben, tout d'un coup, en fait, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de 220 volts, par exemple. L'essentiel, nos appareils, c'est maintenant même de l'USB en 3,5 volts. Donc tout d'un coup, on peut se permettre d'avoir pas de convertisseur, on peut avoir un plus petit panneau solaire d'occasion, évidemment, batterie d'occasion, etc. Et on peut, au niveau de l'habitat, par contre, là, c'est très évident de se dire comment je pourrais faire des économies, quels sont vraiment mes besoins. Et du coup, il y a des choses qui prennent sens, par exemple le chauffage solaire thermique. Ça, c'est une super voie d'avenir. C'est quelque chose qu'on maîtrise depuis un siècle. C'est juste un peu de plomberie. Et ça fait jusqu'à 50% d'économie, voire même 75%, je crois, au sud de la France, d'économie sur la facture d'énergie d'un foyer. Alors que ça consiste juste à souder quelques tubes enceintes sur le toit. Oui, parce que l'idée, c'est de ne pas déployer des éoliennes ou je ne sais quelle énergie renouvelable. Chauffer une habitation avec des radiateurs qui sont pas du tout efficients, enfin il y a énormément de pertes, alors qu'on peut se servir directement de l'énergie solaire sur place puisqu'elle est partout. Exactement. Ouais. Une deuxième définition de la low tech, c'est qu'elle doit être durable. Donc, j'imagine qu'il y a plusieurs critères pour cette durabilité qu'on peut prendre en compte. Si vous pouviez citer quelques exemples donc bien connus de low-tech, justement. Oui, bah, très bien. Je peux vous dire, là, sur le bateau Nomade des Mers, ce qu'ils ont à bord actuellement, il y a un cuiseur solaire, déjà, qui a été fabriqué avec quelques planches, un peu de papier alu et du polystyrène. Qui est très efficace, pour cuire ses aliments. Il y a un réchaud à bois qui émet très peu de fumée. C'est un système, c'est juste un petit bricolage. Il y a deux parois métalliques et en fait, ça réchauffe les gaz et ça les rebrûle. Et en fait, vous pouvez même avoir une flamme bleue de gazinière en brûlant du bois et aucune émission toxique dans l'habitat et tout ça. Donc, c'est un petit réchaud à bois comme ça. Il y a une culture de spiruline. Donc, en clair, un peu d'urine et des algues, et là, vous avez un aliment total rempli d'oméga 3 et de vitamines et choses comme ça. Quoi d'autre? Il y a évidemment des toilettes sèches. Ils sont en train d'expérimenter un modèle un peu avant-gardiste où il y a des larves de mouches soldats noirs qui recyclent les excréments sur le tout système, et ça permettrait, en fait, de neutraliser toutes les bactéries et choses comme ça, et de transformer en terreau en seulement 2-3 semaines. Au niveau de l'eau, ils n'ont pas de phytoépuration à bord, mais la phytoépuration, c'est une forme de low-tech également. On utilise des roseaux pour purifier les eaux grises d'une maison. Ils ont une éolienne qu'ils ont fabriquée eux-mêmes avec un petit moteur électrique d'imprimante. Et tout compris, tous les composants, je crois qu'elle est à moins de 10 euros. Et donc, pour 10 euros, vous avez une petite éolienne. C'est pas mal pour produire l'électricité propre. Qui produit combien à peu près en puissance? De quoi recharger un téléphone et une petite lampe, quoi. D'accord. Ouais. Un exemple peut-être plus... Enfin, assez emblématique, c'est la bicyclette qui peut, dans de nombreux cas, remplacer la voiture. Et Philippe Biwix nous parlait aussi de reconstruire des voitures robustes et légères et simples, un peu dans le modèle de la deux chevaux. Évidemment, on ne peut pas toujours utiliser une bicyclette. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors oui, j'ai aussi écrit dans leur série l'article sur la voiture low-tech, comment on peut imaginer une voiture low-tech. Alors j'ai réfléchi à la question. Alors c'est un vaste débat, hein, mais donc on peut faire, enfin déjà le problème qu'on a actuellement, c'est que les voitures sont de plus en plus lourdes, et donc tous les gains qu'on peut faire en efficacité sont aussi annulés par l'augmentation du poids. Donc là, il suffirait de changer la loi française et de dire que plus votre véhicule est lourd, plus vous aurez de taxes. Et donc on pourrait assez rapidement baisser le poids des véhicules. Et surtout que les constructeurs manquent pas de solutions, hein, au niveau tout ce qui est alliage ou matériaux composites, ils savent faire, hein, alléger des... C'est juste que pour l'instant, on préfère des véhicules puissants, et donc plus ça va vite, plus il faut des mesures de sécurité, etc., etc. Donc on peut vraiment déjà simplifier radicalement nos voitures, et les rendre plus facilement réparables par les citoyens aussi, parce qu'en ce moment, elles sont de moins en moins. Oui. Et donc déjà, voilà, faire durer l'objet, le rendre plus, voilà, plus solide, plus facilement réparable. Et ensuite, après, la question de la motorisation, personnellement, je pense qu'il faut qu'on laisse, que ça devienne une mentalité globale de laisser les hydrocarbures dans le sol. Donc, je suis pas pour la moteur à essence. En plus, le moteur à essence, c'est aussi quelque chose de très technologique. C'est pas pour rien qu'il y a des constructeurs que dans quelques pays occidentaux et le Japon. Ça demande beaucoup, beaucoup. C'est une citadelle technologique, donc c'est l'antithèse du low-tech. Et c'est pour ça que dans l'article, j'ai essayé d'expliquer que finalement, on dit beaucoup de choses sur le moteur électrique, mais mine de rien, le moteur électrique, il est peut-être plus low-tech, parce que déjà, il a précédé le moteur thermique, et ensuite, il est relativement facile à fabriquer partout sur Terre. Et du coup, on voit notamment qu'il y a plein de petits acteurs qui se lancent sur la voiture électrique. Ça montre bien que c'est beaucoup plus facile de créer sa start-up de voiture électrique que sa start-up de voiture thermique. Mais là, se poserait pas le problème justement d'une grosse utilisation de métaux pour l'électrique ? Parce que la question a été soulevée aussi. Bien sûr, ouais. Alors l'anti-modèle, ce serait la Tesla qui fait 2 tonnes. Une berline allemande, c'est moins que ça, elle est plus grosse. Donc ce qu'on a besoin, en fait, c'est de petits véhicules électriques légers. Et en Chine, c'est très très populaire. Techniquement, ça s'appelle un quadricycle, je crois. Donc, en gros, c'est une voiturette, une petite voiturette avec moteur électrique. Il y en a des. C'est entre 1000 et 5000 euros seulement pour un Chine. Et donc, c'est pas du tout. Ça s'est bridé à 50, mais ça permet à une mère de famille d'aller chercher ses enfants à l'école, de faire ses courses. Et donc, on aurait voilà. Mais idéalement, en fait, c'est la voiture individuelle aussi, hein, qu'il va falloir interroger. Oui, c'est aussi un changement de comportement. Je crois qu'on y viendra après. Oui, c'est vrai. Mais on commence à parler d'interdire les voitures individuelles dans les villes, quoi. Enfin, si on était vraiment sérieux, il faudrait qu'on limite les voitures pour vraiment des trajets qu'on ne peut pas faire autrement. Et en ville, normalement, il devrait y avoir une offre suffisante pour s'en passer complètement. Entre de ville à ville, des trains et vraiment la voiture. Quand il faut aller chercher déjà tous les professionnels mais plus ou partager, etc. Mais la voiture de Monsieur Tout le Monde, il n'y aura jamais de bonne façon de faire une voiture de Monsieur Tout le Monde est écologique si tout le monde en a une. Oui. On voit bien qu'en ville, enfin le nombre de véhicules individuels où il n'y a qu'un seul passager, c'est vrai que quand on y réfléchit, c'est aberrant, et surtout en ville. Du coup, est-ce qu'il y aurait des limites d'une société qui serait remplie de low-tech? Parce que, par exemple, on peut se poser la question dans le secteur de la santé, où on fait quand même de super choses pour augmenter l'espérance de vie et vivre mieux plus longtemps. Est-ce que c'est pas un domaine où on devrait quand même conserver ces high-tech? Est-ce que c'est possible justement de les confiner dans certains domaines, ou alors il faut vraiment que ça soit partout pour pouvoir avoir une infrastructure qui le permette, en fait? En fait, je pense que les personnes des low-tech sont pas non plus anti-high-tech dans tous les domaines. Enfin, Philippe Bihux le dit souvent, c'est on a des systèmes électroniques de gestion de l'eau au sein d'une ville. On va pas les détruire pour les remplacer par une calculette. Enfin, on a des grandes infrastructures qui existent. C'est juste que donc pour la santé, je pense que personne ne veut baisser la qualité des soins. Donc, je sais pas. Après, il y a peut-être des trucs un peu gadgets dont on pourrait réfléchir. Enfin, je sais pas. En ce moment, la mode, c'est les objets connectés dans la santé. Ça, c'est pas dit que c'est indispensable. Même si ça apportera peut-être quelques découvertes, hein, je ne sais pas encore, mais pour l'instant, c'est plutôt un gadget, quoi. Donc, voilà, sur les partisans des low-tech veulent pas que les hôpitaux mettent au rabais leurs scanners et tout leur bel équipement, quoi. C'est juste qu'on doit plutôt avoir une approche dans nos achats, dans notre production, de se dire qu'est-ce qui quelle est la voie la plus durable, quoi. C'est un peu une sorte de voie d'équilibre, en fait. Le low-tech, c'est pas un peu yin-yang, quoi. C'est trouver le juste milieu de quelle technologie il faut pour répondre à un besoin et sans superflu, quoi, sans ajouter plein d'options et de trucs dont on ne sert jamais, et sortir un peu, en fait, de cette mentalité de toujours plus, quoi, surtout. Oui, et justement maintenant, si on abordait un peu les aspects économiques, sociaux, cette révolution donc des low-tech ne pourrait éclore que aussi par une révolution des mentalités, une véritable prise de conscience de la nécessité de, comment dire, de vivre avec mieux avec moins. Et comment rendre ce changement désirable, comment déconditionner les gens, tout en évitant le rejet par les populations, parce que, et d'autre part, la mise en place autoritaire si ça ne marche pas. Enfin, voilà, c'est... Ah oui, c'est une question, oui. Alors moi, je pense que ça peut être désirable. On le voit déjà, si vous regardez une des vraies bonnes nouvelles de ces dernières années sur l'écologie, c'est la mode du zéro déchet qui est en train de prendre comme un feu de paille. Donc tout d'un coup, un truc qui n'était pas un problème, c'est la votre poubelle, devient un problème moral individuel, et les gens se rendent compte de ce qu'ils produisent, et du coup, maintenant, c'est à la mode d'être zéro déchet. Et puis c'est vrai que si vous êtes quelqu'un qui est zéro déchet, c'est joli, c'est minimal, c'est... Et donc, en fait, ça peut être désirable. Et puis, les gens vont vous vendre le fait que c'est pas les déchets, c'est une étape, mais en fait, ils ont gagné en épanouissement, en processus et tout ça, et qu'ils font plus attention à ce qu'ils mangent, etc. Ou alors, un autre exemple, qui me tient à cœur, c'est les tiny houses. C'est des petites maisonnettes mobiles sur roues. Ça fait fureur aux États-Unis. En France, c'est en train de prendre aussi très, très bien. Donc, ces petites maisonnettes en bois d'environ 20 mètres carrés plus quelques mezzanines, et qui permettent à un couple de vivre dans une maison pour seulement 30 000 euros. Et donc, c'est toujours très design, très bien foutu, tout est optimisé à l'intérieur. Et donc, avec une maisonnette comme ça, on n'a pas de crédit, parce que ça se finance, quoi, ou très peu de crédit. On n'a plus d'impôts, plus de factures si on est autonome. Parce que du coup, vu qu'on a réduit la taille de l'habitat, c'est très très facile d'être autonome. Du coup, le Low-Tech Lab, on a fabriqué une cette année, là, et je crois qu'en installation solaire, ils ont seulement 200 euros de panneaux, enfin, du coup. Et donc, là aussi, ça, c'est un mode de vie, à mon avis, qui est à la fois durable et désirable. Et je pense que notre génération de millennials, on est une génération qui a beaucoup moins, qui aura moins de ressources que nos parents. Enfin, c'est déjà le cas. Si on accepte cette réalité que, de toute façon, on pourra pas se plier, si on regarde les chiffres, qui achète des voitures chez les jeunes, personne, qui achète des logements, personne. Enfin, maintenant, tout le monde est en colocation jusqu'à 30 ou 35 ans. Et du coup, face à cette réalité économique, la sobriété, elle peut être désirable parce qu'elle peut offrir un meilleur cadre de vie. C'est un peu ce que dit Rob Hopkins, si vous nous rejoignez, nous mouvons des villes en transition, et bien avec nous, vous aurez des meilleurs légumes, de l'énergie moins chère, et même la bière est meilleure. Vous rentrez dans un cercle de convivialité, d'entraide et de production plus locale. Et donc c'est pas chiant, quoi. On peut vivre mieux. C'est dans l'idée de moins posséder, comme vous parlez d'économie de la fonctionnalité, par exemple. C'est ne plus chercher à tout posséder, mais plutôt à partager. À partager pour avoir avant tout un objet qui soit fonctionnel et dans le sens durable dans le temps et écologique. Ça, c'est une grosse révolution mentale aussi. Il y a quelques années, les gens n'étaient pas du tout prêts à partager leur voiture ou leur appartement. Et maintenant, c'est complètement rentré dans les mœurs. Et donc, l'économie de la fonctionnalité, c'est une façon un peu compliquée de parler de la location. C'est pas exactement que la location, mais l'économie de la fonctionnalité, c'est vraiment je vous donne un bien plus un service autour. Donc, ça peut être aussi simple que de... il y a une boîte belge qui s'appelle Tail Me, qui vous loue des vêtements pour enfants et pour femmes enceintes. Et donc, pour, je sais plus, on va dire quelques dizaines d'euros par mois. Vous avez habillé votre enfant de la tête aux pieds avec des vêtements de qualité qui sont aux normes Ecotex, hein, c'est les plus hautes normes allemandes biologiques. Donc vous avez des vêtements, en fait, vous mettez à votre enfant un manteau qui coûterait genre 200 euros, mais il vous a coûté que 5 euros de location. Et du coup, pendant votre enfant sera bien habillé. Et vous avez un bien finalement que vous n'avez même pas pu acheter. En fait, ça aurait été trop cher de lui faire toute sa garde-robe. Il aurait fallu la changer rapidement. Donc, ce modèle, on peut l'appliquer à plein de secteurs. Ça peut être votre téléphone, votre vélo, ça peut être les meubles de votre appartement, ça peut être donc votre garde-robe. Et donc ça, c'est une des rares pistes qu'on a actuellement pour faire de l'anti-obsolescence programmée, tout en restant au sein du capitalisme tel qu'on a, quoi. Et justement, quel pourrait être le rôle de l'État et de la communauté internationale dans la promotion des low-tech? Déjà, je pense qu'il ne faut pas tout attendre de l'État. On peut commencer, généralement, c'est les politiciens qui suivent quand ils voient un mouvement de fond dans la société. Mais l'État a clairement un rôle à jouer parce que, le problème qu'on a actuellement avec la crise écologique, c'est justement une crise de leadership. On a besoin de nos élites guident un peu le troupeau pour pas qu'ils tombent de la falaise. Donc, ils ont une responsabilité morale énorme. Et donc l'État pourrait faire beaucoup. Il pourrait donc, déjà l'État c'est la commande publique, donc ça pourrait justement arrêter de faire des dépenses comme numériser les écoles ou ce genre de choses, ou réfléchir aux flottes publiques de véhicules. Donc il y a la commande, il y a un effet d'entraînement de modèle aussi sur le secteur privé que le secteur public. Et puis bon, ça peut être toutes sortes de subventions aussi. Donc l'univers de tech, c'est vraiment plutôt une grille de lecture, de se dire qu'est-ce qui est souhaitable, désirable, durable, accessible, et quel choix de société on fait, quoi. Est-ce qu'on va rajouter une piste à l'autoroute alors qu'on sait que ça sera saturé aussitôt, ou est-ce qu'on réfléchit à tout moyen des autoroutes pour trimballer des gens, quoi. Ça, c'est complètement le rôle de l'État. Là, en fait. D'accord. Et maintenant, donc, on en vient à la conclusion. Eh bien, pour les jeunes générations, si vous aviez un conseil à donner, quel serait-il ? Le conseil que je voudrais dire, c'est, pas se préparer, mais il faut. C'est difficile toutes ces histoires là de colossologie et de machin. Enfin, il faut quand on est jeune, on sait qu'on va vivre. Les gens qui ont survécu à la Deuxième Guerre mondiale, pendant 50 ans, ils ont eu l'URSS. Quoi. Ils ont peut-être pas vu venir ça. Puis de 45 à 89, il y a eu l'URSS pendant 50 ans. Et donc nous, on va vivre encore 50 ans. Et donc, faut juste se dire mentalement, le monde va changer. On va voir. Ce sera pas forcément dramatique, mais on a tendance à être un peu grégaire et à dire que demain sera comme hier. La réalité, c'est que ça sera pas le cas, mais heureusement, ça n'a jamais été le cas. C'est juste se dire, être un peu ouvert sur l'avenir et se dire, la société dans laquelle je vis, elle aura moins d'énergie, donc qu'est-ce que ça va changer? Donc, c'est pas obligé que ce soit un drame. Ça va être peut-être justement, peut-être que les choses vont bien se faire et qu'on va réussir à s'adapter, à transitionner à temps et puis il y aura beaucoup de surprises, quoi. C'est ça qu'il faut se dire. Dans tous les cas, travailler à sa résilience, à son indépendance, ça passe par beaucoup s'approprier des savoir-faire techniques qui est également la mode avec le DIY et tout ça. Et je pense que on a surtout besoin de découvrir et de se réapproprier un peu notre vie. Et c'est ce que permettent les deux textes, justement, c'est se réapproprier les choses en arrêtant de vivre dans un monde mystique, on ne comprend pas le fonctionnement des machines qui nous entourent. Et déjà, si on peut reprendre le pouvoir là-dessus, en fait, on reprend une forme de pouvoir politique sur nos vies. Et ça, notre indépendance et notre résilience à long terme. Merci beaucoup pour cette interview. Je dirais juste, vous pouvez toujours trouver en kiosque le hors-série de Social Terre. Oui. Et si vous souhaitez approfondir les thématiques de tout ce qui touche à la transition, la collapsologie, les low-tech, il y a un festival début août qui s'appelle Sans Transition. Donc je vous retrouve la date. Sans Transition, où il y aura cette place en Anjou et il y aura Yves Cochet, Agnès Sinaï, Vincent Mignereau, tous les penseurs de la Colossologie, donc du 9 au 11 août à Saint-Lézé en Anjou. Voilà, donc c'est ça, sans transition. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous. Au revoir. Merci. Oui, merci. Au revoir. Au revoir. Je vais rajouter, donc on a parlé de Social Terre, je vais rajouter donc deux ouvrages de Philippe Biwix, L'âge des low-tech, et tout récemment, il a écrit aussi Le bonheur était pour demain, les rêveries d'un ingénieur solitaire, donc aux éditions du Seuil. Vous pouvez aussi, en anglais, vous référer au Low-Tech Magazine, qui est en ligne, d'ailleurs sur un serveur qui fonctionne au panneau solaire sur un mini-ordinateur. Et également le site, on a un peu parlé, du Low-Tech Lab, lowtechlab.org. Donc, on passe une petite pause musicale. De grosses Rolls-Royce, de milliardaires, des deux chevaux, de péquenots, des belles dames en onze légères, porte-cigarettes au museau, des Maserati du tonnerre, coupant de l'air au couteau. J'admire, il est vrai, mais je préfère bécane, bicyclette et vélo. J'ai vu des reines tout en chapeau parader dans des Cadillacs, des mécanos de chez Renault en quatre chevaux et chapeau claque, une berlinoise en berline, 200 Mercedes tout confort, mon père, ma mère en limousine, entrée dans Paris par le nord. J'admire, il est vrai, mais j'opine pour les vélos de chez Splendor. Trisaïeul, Armand Sosten avait un penchant pour Panhard. C'est en quatre cylindres à soupape qu'il allait boire un coup au bar. Grand-mère chérie, c'est l'Oldsmobile, futur Annick 88. Elle partit jusqu'au bord du Nil et ensuite chez les Inuits. Malgré ancêtre et chef de file, je persiste et roule sur un 8. J'en connais, et non des moindres, qui ne jurent que par Jaguar. Dans leur moteur, bien plus qu'un tigre, 210 chevaux viennent boire. J'en connais qui, venant d'Asie, ne trimardent qu'en Lotus bleu. Quant à mes amis d'Italie, les Lancia les mettent en feu. Mon gré tout et malgré Isselle, je préfère monter en selle. Ce banquier, homme d'argent, qui tenait les cordons des bourses, à bord de ses engins grondants, vous menez votre grande course. Mercury, NS, Sumatra, mes chers Smith, et bien sûr j'en passe. Avouez-le, prennent plus d'espace, chemine moins silencieusement qu'une bécane monoplace, décapotée au cœur du vent. Donc c'était Julot. Bocarn, bécane, bicyclette et vélo. On passe aux actualités d'attaque. Oui, alors déjà au plan national, donc dans le cadre de la campagne européenne Stop impunité des multinationales, donc des règles pour les multinationales, des droits pour les populations, une opération nature morte au siège de Bayer Monsanto. Donc c'était le mercredi 22 mai où 70 militants et militantes d'attaque de la Confédération paysanne d'Extinction Rebellion et de Radiaction ont envahi le hall d'entrée du siège de Bayer Monsanto à la Garenne Colombe pour y installer une scène de chaos environnemental et sanitaire. Vêtus de combinaisons blanches, les activistes ont dénoncé les ravages causés par Bayer Monsanto qui engendre une société toxique pour les paysannes et les paysans, les citoyennes et les citoyens, la biodiversité et l'environnement. Aujourd'hui, nous n'avons plus le luxe d'attendre. Il est urgent de mettre les multinationales comme Bayer Monsanto hors d'état de nuire. Pour y arriver, nous devons accentuer la pression citoyenne. Parlement européen. Les organisations membres de la campagne européenne demandent aux 56 eurodéputés français de mettre en œuvre leurs engagements. 711 candidats issus de 8 listes différentes ont répondu à l'appel des 560 000 citoyennes et citoyens qui demandent des droits pour les peuples, des règles pour les multinationales. Le 26 mai, 56 d'entre eux ou d'entre elles ont été élus députés européens. Leurs engagements doivent se traduire en actes. Alors que les négociations débutent à Bruxelles pour la composition des groupes politiques ainsi que pour la nomination de membres de la nouvelle Commission européenne, les députés doivent faire peser leurs engagements avec des législations plus contraignantes vis-à-vis des multinationales et la suppression de l'arbitrage investisseur-État, ou ISDS. Alors la campagne, toujours la campagne Stop Impunité des Multinationales, bien sûr, va entrer dans une deuxième phase avec de nouvelles actions fin août lors du G7 et en octobre lors du cycle de négociation de l'ONU sur la responsabilité des multinationales. D'ailleurs, contre le G7, pour un autre monde, des mobilisations du 19 au 26 août sont prévues à Hendaye, Iran. Iran, c'est ça. Du 24 au 26 août, 7 chefs d'État parmi les plus riches de la planète, donc bien sûr États-Unis, Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie et Canada, se retrouvent à Biarritz sous la présidence de la France. Ces 7 puissances, marquées par la montée de politiques de plus en plus autoritaires et bellicistes, se retrouveront pour perpétuer un système au service des multinationales et des 1% les plus riches. Ces politiques mettent le feu à la planète, augmentant les inégalités et la pauvreté qu'elles ont générées et qu'elles entretiennent, détruisant le vivant et le climat au mépris des droits humains fondamentaux. Alors, face à l'écran de fumée de leurs beaux discours, nous, membres d'ATTAC, leur opposerons l'urgence sociale, démocratique et écologique. Du 19 au 26 août, des initiatives alternatives sont organisées au Pays Basque. Nous y construirons des alternatives solidaires, écologiques, féministes, antiracistes, décoloniales et anti-impérialistes. Nous appelons toutes et tous à se mobiliser donc à Hendaye, Iran, face au G7 pour construire un autre monde. Cet événement donc tiendra lieu d'université d'été. Enfin, la réforme des retraites. Le haut-commissaire devrait rendre ses recommandations avant le 14 juillet, accompagné de plusieurs études d'impact sur une présentation du projet de loi en Conseil des ministres à la rentrée. Plusieurs semaines seront nécessaires ensuite avant l'adoption de la loi. Le projet a pour objectif officiel de créer un système universel remplaçant les 42 régimes actuels et censé être plus juste, plus simple et plus lisible. Cependant, cette réforme par points voulue par Macron représente un changement fondamental de notre système de retraite. Il devient essentiellement contributif et relègue au second plan les solidarités. Les premières victimes seront les femmes, les précaires et les carrières courtes. Cette réforme vise à baisser le niveau des pensions et à pousser les actifs vers des retraites par capitalisation, fragilisant la sécurité sociale. Elle prétend mettre fin à tout débat démocratique sur les retraites. Sur cette question, d'ailleurs, ATTAC se mobilise pour la défense de nos acquis sociaux et a d'ailleurs élaboré un petit guide contre les bobards de la réforme des retraites. Au plan local, maintenant, alors le collectif pour la gratuité des transports en commun, suite à la réunion du 5 juin, le lancement de la pétition pour demander un référendum local d'initiative citoyenne se précise. Le tract et la pétition sont prêts et circuleront prochainement sur les réseaux ou seront déposés dans des lieux publics, comme les centres sociaux par exemple. Une action signature de la pétition est prévue le mercredi 10 juillet à l'Eurotéléport de Roubaix. Pour rappel, l'objectif est d'obtenir la signature de 20% des inscrits sur les listes électorales à Roubaix. Concernant l'organisation de réunions publiques, une proposition doit être prochainement faite auprès de l'Université populaire de Roubaix. Enfin, le collectif est signataire de l'appel national pour la gratuité des transports publics locaux, préparatoire aux états généraux de la gratuité dans les transports publics que souhaite mettre en place le réseau national. Et à propos de l'association Parc Saint-Sauveur, une réunion interne à l'association s'est tenue le jeudi 13 juin pour la présentation du manifeste qui est une alternative au projet officiel. Une autre réunion, hier vendredi, pour préparer une réponse ironique à la présélection de Lille capitale verte européenne. Un rassemblement avec animation est prévu le vendredi 21 juin devant la mairie, au lendemain de la sélection finale. On ne sait pas encore si Lille sera retenue, mais en tout cas, on a prévu cet événement. Voilà. Merci René. Et sur les retraites, on essaiera de vous diffuser une rediffusion d'une émission qu'on a fait il y a quelques années, probablement dans 2 semaines ou cet été aux horaires habituels. Un petit agenda, avril 1939, fin de la guerre d'Espagne, prologue de la Seconde Guerre mondiale. Après la victoire des troupes franquistes et l'avènement de Franco en avril 1939, l'Espagne est totalement ruinée, misérable et traumatisée par 3 ans de guerre civile. Contrairement à la mythologie, cette terrible guerre n'avait rien à voir avec une révolution sociale. Ce fut au contraire le triomphe de la contre-révolution et le prologue de la Seconde Guerre mondiale, une catastrophe rendue possible par la défaite du prolétariat et son embrigadement sous les drapeaux de la classe dominante pour la défense d'intérêts impérialistes. Vous pourrez donc discuter des leçons politiques de cet événement avec le courant communiste international CCI le samedi 22 juin à 15h à la Bresse, 23 rue Gosselet à Lille. Le 23 juin, Lille Irradiée vous invite à une soirée de soutien à l'antirépression de Bure, le futur lieu de stockage de déchets nucléaires. Donc toutes les recettes de cette soirée seront reversées à l'association Sassander, qui gère l'antirépression à Bure, au programme grignotage et discussion sur le projet de poubelle nucléaire et de lutte à Bure. Concert et boum, donc ça sera au CCL, le 4 rue de Colmar à Lille, à partir de 20h le 23 juin. Projection de la pub au Pays des Merveilles par les Amis du Monde Diplomatique et le collectif des Déboulonneurs. Vous laisserez guider dans les coulisses de la persuasion marketing. La pub au Pays des Merveilles présente l'envers d'un décor quotidien qui vous est familier. Des PDG d'agences publicitaires, psychologues industriels, ingénieurs informaticiens expliquent l'un des principaux moteurs de la société de consommation. De l'autre côté, des lanceurs d'alerte soulignent les dangers pour la démocratie et la planète de cette révolution publicitaire. Ça sera donc le lundi 24 juin à 20h, au Méliès, rue Traversière à Villeneuve-d'Ascq, et suivi d'un débat en présence du réalisateur Mathieu Liétard. On s'arrête maintenant. On vous souhaite un bon week-end et à la prochaine. Bon week-end à tous. Intoxiqué au MP3, addict à ta télévision. Regarde ce qu'il advient de toi. Toi qui te plaignes que la science de tes petits yeux s'exerce loin. Demain, comme terrain d'expérience, ils utiliseront ton bambin. Sorti du berceau, ils foutront une puce dans le dos de la primeur de son enfance. Il leur devra obéissance. S'il ne veut pas travailler, ils pourront l'électrocuter. S'il ne vote pas pour eux, ils lui feront brûler les yeux. Citizens of information, slave of technology, addicted to your television. Are you feeling free? You complain that science was a stranger. Tomorrow your children they will use as a playing field. Comme d'habitude pour faire passer, ils invoqueront la santé. votre nouvelle carte vitale, collée au fond de vos amygdales. Bonsoir, contrôle de papier, j'ai pas ma carte d'identité. T'inquiétez pas, c'est plus la peine, petit contrôle d'ADN.